la traverse mégalée. Avec le temps, nous la gangalisé. T'es dième mais nous la siémoté. Faut pas baisser les bras, il faut nous continuer. Là, il faut nous prendre courage. Mettre les guerres à l'ouvrage. Prothèse notre entourage. Là, il faut nous prendre courage. Nous mettre à l'embarras. Pour préserver notre ménage. Sur les côtés, ouais. Moi la papera fonce, si comme le ras, mauvais temps m'ont gâté. Sur les côtés moins, sur les côtés moins. Moi la pépère, rien, personne va gagner, arrête à nous. Sur les côtés moins, sur les côtés moins. Moi la pépère, tant gaz, le ras, mauvais temps m'ont gâté. Sur les côtés moins, sur les côtés moins. Personne va gagner, arrête à nous. Personne va gagner, détruit à nous. Sur les côtés moins. Nous la traverse mégalée. Avec le temps, nous la gangalisé. T'es dième mais nous la siémoté. L'esprit malin, il faut nous pas se baler. Là, il faut nous prendre courage. Mettre la lignée dans la case. Prothèse notre entourage. La demande nous motive force courage. Pour mettre l'embarras. Pour préserver notre menace. Sur les côtés, ouais. Moi, la papère affronte. Si comme l'orage, mauvais temps, mon gâté. Sur les côtés, ouais. Sur les côtés, ouais. Moi la pépère, rien, personne va gagner, arrête à nous. Sous les côtés moins, sous les côtés moins. Moi la pépère, tant gaz, l'orage, mauvais temps, mon gâté. Sous les côtés moins, sous les côtés moins. Personne va gagner, arrête à nous. Personne va gagner, détruit à nous. Sous les côtés moins, sous les côtés moins. La micro-périenne. Sera moins bien. Personne va gagner, arrête à nous. Personne va gagner, détruit à nous. Sur les côtés moins.